Bonsoir. Alors ce soir on ouvre pour un mec qui s'appelle Kim. Je suis sûr que vous aimez beaucoup aussi. Vous aimez pas? Vous aimez bien? Toi t'adores toi aussi. Moi je m'en fous de ton avis, j'ai envie d'avoir les avis des autres. Vous aimez bien Kim? C'est cool hein? Ouais. Ouais! Nous on s'appelle Moon accessoirement. On va vous jouer quelques chansons. Vous en doutez? C'est pour ça qu'il y a des guitares, des batteries, tout ça. Et voilà, et voilà, et voilà. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Es-tu prêt? Prêt! Mes amis, vous êtes prêts? Oui, oui, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce qui nous trafique derrière? Arrivez, deux secondes. Vraiment, buvez un coup. Allez-y, votre moteur, il sert à rien. Parlez entre vous. Il peut servir malheureusement. C'est le groupe qui a un moteur. À la vôtre. C'est le groupe qui a un moteur. C'est avec qui? C'est le groupe qui a un moteur. Par contre, je sais pas pourquoi on est venu. Thank you. ceux qui n'auraient pas aimé, la prochaine chanson s'appelle On est vraiment désolé. Some woman and children would just wanna take a walk, my heart. into my head. I'm full of felt, not so clean. I think you better stop the smile and make me live. I pray for a world that I would like. Simple the way I can easily understand. I pray for a world that I would like. Simple the way I can easily understand. Cette chanson s'appelle Red Moon. Thank you. Merci à la famille, à tous. Cette chanson s'appelle le Poisson Rouge. Un peu de pêcheur. Ça bosse ou quoi? C'est une chanson, la dédicace à la nouvelle caisse claire de Louis. Ouais! Ça s'appelle Star Classique. Fishing and holding divers, walking to the swimming time. fishes rock on the ocean. C'est notre dernière chanson, c'est qui? Thank you. Merci, et merci à Kim de nous avoir invités.